À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, ont eu lieu des conférences, séances de lecture, expositions de livres et de photos et séances de films au Nigeria. Par ailleurs, la cérémonie de remise des livres coréens a eu lieu à l'Université de l'État de Nasarawa du Nigeria.